je te cite, là. En fait, l'État ne devrait jamais investir directement dans le sport professionnel. La phrase suivante, c'est-tu quoi? C'est jamais à moins que ce soit payant. Ben, écoute. C'est-tu à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Marois, qui disait pas de référendum. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. À moins que les ouais, gens. Ouais, je comprends veuillent. Ce que tu dis. Mais non, moi, comme contribuable, non, je me dis, bon, est-ce que si le gouvernement fait des investissements, le gouvernement fait de l'argent avec ça, est-ce que ça peut être bon pour moi, le contribuable? Je me pose la question. Sincèrement, je me pose la question. Puis je te ramène à ce débat-là. Parce que le vrai débat derrière ça, c'est pas oui ou non, on finance-tu une équipe. C'est est-ce qu'Investissement Québec, c'est-tu pertinent? Mais ça dit ou pas, quoi, t'sais? Jérôme, d'un État qui est pas capable de générer de l'entrepreneurship privé suffisamment pour faire vivre une compagnie? Ça dit quoi, ça? Ça dit quoi, pour de ça, que Québécois, que Québécois a besoin d'une béquille? Tu vois, PKP, il est sorti. Mais hein? Ça, c'est l'autre affaire. C'est que Ahmad, il s'est retrouvé son affaire à cause d'une question qui était totalement hypothétique pour plusieurs raisons. Premièrement, la réalité, c'est qu'actuellement, là, à matin, le 29 septembre 2014... Il n'y en a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas de franchise de disponible. Ouais. Ça peut changer dans trois mois. C'était pas si hypothétique que ça, dans la mesure où le gouvernement québécois, un autre, mais ouais, l'institution pareille, représentée, incarnée par Bachand, s'était engagé à 100 millions exact, quand même. Puis ils l'ont fait avec le Canadien. Et l'autre affaire, la deuxième chose, c'est que Québécois n'a pas fait de demande. Puis ça, Sam Ahmad me l'a très bien dit dans l'entrevue. Il n'y a pas de demande à cet effet-là non plus. Et Pierre-Carl Péladeau l'a confirmé en fin de semaine sur sa page Facebook en disant qu'il faut quand même se méfier de ces questions-là. Je suis d'accord, faut se méfier. Parce que vous êtes les porteurs de micro, là. Mm-hmm. Moi, j'ai un respect pour vous et je connais votre pouvoir d'influence. La radio peut mobiliser du monde pour contester pour quelque chose. Vous pouvez vous ramasser des milliers de personnes sur les plaines avec des gens. Il y a de l'émotion, très émotif. Vous pouvez, il y a de l'émotion, mais le pouvoir d'influence et le pouvoir de le pouvoir de clairer des sans conservateurs, puis le lendemain de demander à Gérard Deltel d'être un conservateur. C'est-à-dire, on a complètement balayé la région des conservateurs à la dernière élection. Pourquoi? À cause des Nordiques. Oh, ça, je suis pas sûr. Moi, j'ai jamais tenu ce discours-là. Jamais, j'ai dit aux gens de mais pas voter. Mais il reste que c'était la conséquence pareille. Mais c'est pas de la faute de la radio et des médias, je pense pas, Joanne. Il y a eu l'effet de Jack Layton. Oh, ça, là-dessus. Il y a eu l'effondrement du Bloc. Il y a eu beaucoup de choses là-dedans. Ah, peut-être. Moi, je veux bien entendre ce que tu dis. On a une influence sur les gens, mais les jeunes nous influencent beaucoup aussi, là. Je veux dire, les Nordiques, c'est important à Québec. C'est pas moi qui l'invente. Ben, s'il faut influencer les gens, là, je m'adresse aux gens, là. Soyez cohérents, là. Soyez cohérents. Parce que d'un côté, vous offusquez qu'on coupe ici à ça. Puis à un moment donné, vous voulez que l'État intervienne à votre place. D'ailleurs, j'aurais une question pour vous deux là-dessus. Sam Ahmad, tantôt, Jérôme te dit,